Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Leurs méfaits sans limite et leur terrifiante férocité. Les loups. Si vous n'êtes pas sage, dit le père à ses enfants, je vais vous mener aux loups. Mais un jour, reconnaissons-le, on ne craint plus les loups. Peut-être grâce aux albums pour enfants, désormais envahis par les loups gentils, timides, maladroits, quand ils ne sont pas végétariens, ce qui diminue fortement les risques d'être déchiquetés puis dévorés par eux au fond des bois. Cessons donc de redouter les loups. Mais il y a mieux, pire que le loup de la croyance populaire, le loup-garou. Pourquoi devient-on loup-garou? Peut-on échapper à ce destin? Une matinée des autres s'intéressait au loup-garou en partant de l'Italie mais en traversant vite les Alpes. Le loup-garou se retrouve dans le folklore français ou international. En Savoie, dans le Dauphiné, dans le Berry. Le loup-garou rôde, attention parfois déguisé en mendiant. En tout cas, il rôdait le 3 février 1981 sur France Culture. De l'Est républicain, le 13 novembre 80. La bête des Vosges ne livre pas son secret. La dernière intervention de la bête a été imprévisible comme les précédentes. Monsieur Vollmaer, boulanger à Sirpart, commençait sa tournée lorsqu'en passant près des chaumes, il aperçut plusieurs cadavres de bœufs épars dans la prairie de Fombreteau. Les bêtes, horriblement lacérées et mutilées, avaient cherché à fuir dans des directions différentes. Chose étonnante, la prairie de Fombreteau se trouve à une centaine de mètres de la ferme dite du Moulin d'Oie, dont les propriétaires, monsieur et madame Firmer, déclarent n'avoir rien entendu. Selon les spécialistes, ce carnage serait l'œuvre d'une crocotte, c'est-à-dire d'un animal issu d'un croisement entre chien et loup. Mais d'autres experts sont sceptiques à cet égard. La bête semble tuée pour le plaisir. La matinée des autres. Le loup-garou. Par Roland Auguet. Avec Daniel Bernard, écrivain. Mauricio Catani, ethnologue. Francesca Isidori, professeur à la Dante Alighieri de Paris, Charles Joysten, conservateur au musée dauphinois, directeur de la revue Le Monde Alpin et Rodanien, Claude Kapler, écrivain. On raconte aussi, et cela c'est vraiment, je dirais, une histoire qui a une structure très importante parce qu'elle est commune. Il y a plusieurs variantes, mais on retrouve toujours cette structure. Francesca Isidori, professeure à la Dante Alighieri de Paris. L'homme qui est loup-garou demande à sa femme de ne pas lui ouvrir la porte pendant la nuit, quand il a ses crises. Bien sûr, tout cela se passe la nuit. L'influence de la lune sur la métamorphose des loups-garous est très importante. Pour plusieurs raisons. Bien sûr, le loup est un animal lunaire, tout comme le chien, il hurle à la lune. Mais aussi, je crois que la lune est par excellence un symbole de métamorphose. Elle change. Donc je crois qu'il y a là un lien assez important. Donc l'homme qui est loup-garou demande à sa femme de ne pas lui ouvrir la porte, jusqu'au moment où il lui montrera à travers un trou de la porte sa main redevenue complètement normale. La femme résiste aux appels, aux hurlements de son mari, jusqu'à ce qu'elle croie le moment venu de lui ouvrir. Hélas, c'est trop tôt, parce que l'homme rentre, il a saillé, la sbrana, il a fait un pièce, un morceau, et il la tue. Les paysans rajoutent que ce pauvre malheureux n'a même pas le soulagement de la mort, puisqu'il continue à vivre après cet épisode, avec cette douleur immense de la mort de sa femme. Et chaque fois que je pense à cette histoire, je ne sais pas pourquoi, je pense à Orphée Eurydice, une sorte d'Orphée Eurydice avec des rôles interchangés, bien sûr. Apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi. Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. On a l'habitude de penser que ce genre d'histoire appartient au folklore d'un sud lointain, complètement coupé d'une civilisation avancée, de l'Italie industrielle du Nord, etc. Tout cela se passe dans une région qui est dans le centre de l'Italie. Que dans mon village, il n'y a pas très très longtemps, il y avait 2 fontaines, la grande fontaine et la petite fontaine, et la nuit on voyait des loups-garous qui allaient s'abreuver à ces fontaines. On sait qu'un des signes dominants du loup-garou est d'avoir très soif, d'avoir la langue sèche. Ils allaient donc s'abreuver à ces fontaines et ils se roulaient, ils hurlaient comme des loups et ils étaient un tout et pour tout transformés en loups. Ils rasaient les murs et ils se contorsionnaient, ils se roulaient sur eux-mêmes comme une roue. Il paraît qu'il y avait un barbier qui avait boutique au fond du cours principal, qui était loup-garou. Et le lendemain de ses crises, on le voyait dans sa boutique, entièrement couvert de griffes. Il était entièrement griffé. La lycanthropie est la transformation d'un homme en loup. Le parler populaire nomme communément les objets de cette mutation loup-garou, sans qu'on puisse donner une explication valable à ce nom curieux. On a ce que j'appellerais volontiers des récits types, en parallèle aux contes types, par exemple, c'est-à-dire des récits extrêmement structurées, qui ont un commencement, un milieu et une fin, et qui correspondent à des thèmes légendaires très développés. Charles Joysten, conservateur au musée dauphinois, directeur de la revue Le Monde Alpin et Rodanien. Il y a ainsi de nombreuses versions qui ont été recueillies sur ce que j'appelle le don au loup. C'est l'histoire d'un homme qui rentre chez lui tard le soir, qui est suivi par un loup et qui cherche à s'en débarrasser. Il ne sait pas encore à ce moment-là qu'il s'agit d'un loup-garou, en lui donnant du pain. Il a un pain avec lui et régulièrement, lors de cette course, il lui donne des morceaux de pain. Arrivé chez lui, sa femme l'attend sur le pas de la porte, il rentre tard. L'homme explique à sa femme qu'il a été suivi par un loup et qu'il lui a donné du pain. Et sa femme lui en fait le reproche. Bien, premier épisode. Deuxième épisode, l'année suivante, cet homme se rend à une foire de l'autre côté de la vallée. Et à cette foire, il rencontre un homme qui lui propose de le suivre dans son écurie pour choisir une de ses plus belles bêtes. Alors, notre paysan ne comprend pas très bien. Et cet homme lui explique qu'il était le loup d'une fois, je cite, et que c'est en reconnaissance de l'avoir délivré par ce don de pain qu'il lui donne un de ses plus belles bêtes qu'il ramène chez lui dans son écurie. Voilà un des plus beaux récits de loup-garou qu'on ait dans les Alpes. Il n'est pas propre d'ailleurs à la Savoie ou à ces hautes vallées de la Savoie. On le retrouve également en Val d'Oste et je l'ai appris récemment en Valais par exemple. Sur le chemin de boue figé, recouvert par une neige souple, marche un homme, grand et large d'épaule, suivi de loin par des animaux à peine visibles dans le crépuscule. En vue des bâtards, il s'arrête et arrête son troupeau, puis il avance seul dans la cour. Il va fièrement, le bois de ses sabots crisse. En approchant, il voit que la flamme du foyer projette une ombre rousse sur les vitres de la grande salle. Arrivé contre la porte, il la heurte du poing, sans marquer d'hésitation. « Entrez !» dit une voix à l'intérieur. Il pousse, la porte résiste. « Entrez !» répète la voix en se faisant plus rude. « Poussée de l'épaule, on dirait que cette maudite glace veut tout pour elle. » D'une lourde jetée d'épaule, l'homme repousse le panneau de chêne qui craque, puis cède. À la vue de l'étranger immobile sur la pierre du seuil, chacun s'arrête. Le chien grogne en découvrant ses crocs usés et se dresse, menaçant, mais d'un geste, l'homme le fait taire, le fléchit sur ses pattes et l'oblige à aller se glisser sous la mets, à l'intérieur chemisé de farine. À voir le regard subitement craintif de la bête, on la croirait ensorcelée. L'inconnu n'a aucun geste d'amitié. Avec ce large pantalon de laine bleue, tenu à la taille par une haute ceinture rouge, est-ce un soldat fuyard ou un saltimbanque? Avec cette demi-houppelande noire et frangée et cette toque de fourrure noire, crotteuse, tenue par un mouchoir noué sous le menton. Il est sans âge apparent et semble de tous les temps des hommes. Après avoir jeté un rapide regard derrière lui et légèrement refermé la porte, il dit enfin, soulageant tout le monde, « Nous avons faim, mais bête et moué. » Il parle lentement, avec peine, on sent qu'il n'est pas habitué à le faire souvent. « Combien sont vos bêtes ?» demande Ribaud. « Peut-être 6. » « Et vous promenez du bétail par ces froids-là » L'autre ne répond pas. Il sort et siffle. Après, il revient mettre son grand corps dans le cadre de la porte. La chaleur du feu lutte contre l'air glacé qui pénètre comme le flot de l'étang envahit les prés une fois la vanne levée. Chacun pense lui dire de fermer la porte, mais personne ne l'ose, tant cet homme fait naître la crainte. Bientôt, des frappements de pattes nerveuses martèlent le sol de la cour. Sous la mai, le chien hurle aussitôt à la mort. Les bêtes de l'inconnu arrivent avec des sifflements rauques et, brusquement, à hauteur de la pierre du seuil, surgissent des museaux longs, menaçants. De grands yeux aux pupilles pourpres fixent les flammes de l'âtre. « Au loup !» Chassés jusqu'au fond de la salle par leur frayeur, Marc et Julien, les garçons, se serrent dans un recoin. La femme prend vivement le bébé accroupi par terre et le jette dans son berceau. La vieille se réveille complètement, mais reste coite de saisissement. Ribaud décroche son fusil. Les loups se sont immobilisés au pied de leur maître. « C'est toi le meneux de loup ?» dit Ribaud, menaçant. Le meneur ordonne d'un ton bref, « Donne-nous à manger !» Le fermier serre à la brisée la crosse de son arme. Il comprend que les menaces ne seraient rien contre l'homme, fort de ses bêtes et du mystère qui l'entoure. Il commande, sans détourner la tête, « La mère et toi, Louise, faites une pâtée !» Les enfants ne parviennent pas à détacher leur regard des loups, qui restent là, prêts à tous les égorgements. Ils sont fascinés. On leur a si souvent raconté leurs méfaits sans limite et leur terrifiante férocité, que dans leur esprit d'enfant reviennent sans cesse les menaces maternelles. Si vous vous tenez pas sage, je vais vous mener au loup. En Berry, on a un personnage qui est très important pour cet aspect, c'est le meneux de loup, comme on dit chez nous. Le meneux de loup, c'est un personnage un petit peu craint, secret, c'est un homme des bois, un marginal, comme on dirait aujourd'hui, et qui a surtout un pouvoir sur les loups. Il a le pouvoir de se faire suivre des loups, il dirige une meute de loups, et on peut s'interroger sur la fonction de cette meute de loups, à quoi cela peut bien lui servir. Daniel Bernard, écrivain. Ceux qui sont avides de sensationnel disent que le meneux délègue ses loups pour attaquer les personnes de son voisinage qu'il n'aime pas. Mais d'après tous les récits de la tradition orale qui nous ont été transmis, on voit que le meneux de loup ne se sert pas de ses loups pour punir son ennemi, puisque, au contraire, il délègue deux de ses compagnons, comme il dit, aux voyageurs attardés. En effet, j'ai retrouvé d'innombrables récits concernant cet aspect. Un voyageur attardé revient de la veillée le soir, et il doit obligatoirement traverser un bois, dit-on en Berry, puisque au XIXe siècle, les bois étaient très importants. Alors, il doit traverser un bois, et lorsqu'il rentre dans le bois, il trouve sur un carroir, comme on dit, c'est-à-dire la croisée des chemins, il trouve un meneux entouré de sa bande de loups. Il y a un feu, et le meneux et ses loups sont autour de ce feu. Alors, le meneux dit à ce voyageur attardé, « Veux-tu que je te fasse raccompagner ?» Bien sûr, le personnage en question connaît l'environnement, ne dit rien, et se laisse accompagner par ses loups. Et les loups suivent le personnage jusqu'à sa demeure. On a souvent deux loups, un à droite, un à gauche. Et ce qui est très important et que j'ai retrouvé dans presque tous les récits que j'ai recueillis, c'est le fait suivant. Lorsque le personnage s'arrête, les loups s'arrêtent. Lorsque le personnage marche, les loups marchent. Et lorsque le personnage court, les loups courent. Donc ils sont toujours sur ses talons. Et ils le suivent ainsi jusqu'à sa demeure. Et lorsque le voyageur qui était attardé arrive dans sa demeure, il doit donner au loup un morceau de pain, une pièce d'argent dans certains cas, que les loups, dit-on, ramènent à leur meneux. Donc voilà l'histoire colportée par la tradition orale concernant ces meneux de loup. La tradition véritable et non pas les romans qu'on pourrait faire à partir du meneux de loup. Ça, c'est la tradition telle que quelques paysans du Berry pourraient encore vous la raconter. La fermière apporte enfin un grand plat creux, suivi de la grand-mère qui emporte un autre. Dedans sont des patates et du pain écrasé, gonflé d'eau chaude. L'odeur fait s'approcher l'homme au loup. « Donnez !» reprend-il. va déposer les plats près de ses bêtes. Dans le froid, la pâtée fume doublement. Les bêtes grondent, mais ne bondissent pas afin d'apaiser leur faim d'un seul coup. Elles paraissent attendre autre chose. La vieille Ribaud, qui agit toujours en silence, regarde son fils avec inquiétude. Si ces bêtes-là ne veulent pas de cette nourriture, quoi donc les désaffamera ? Va chercher des galettes, dit alors Ribaud à sa femme. Elle lui en apporte sur un plat de bois. Il prend le plat et le tend au meneur. Voilà pour toi. L'homme ne remercie pas. Il saisit toutes les galettes d'une main, les brise et va les jeter dans la pâtée destinée au loup. Cela fait, il dit à ses bêtes, « Mangeons !» S'approchant, l'échine courbée, matée par une forte obéissance, elles avalent avec de grands bruits le pain gonflé, fade, intimement mêlé aux galettes parfumées et sucrées. Alors, se mettant à genoux, écartant les museaux grognants, le meneur se fait une place et mange à même le plat, avec contentement. Une fois sa faim assouvie, il revient à Ribaud, qui du seuil a regardé cette scène avec stupeur. « L'âge de ton plus jeune enfant » demande-t-il. « 1 an. « Garçon, fille ?»« Fille. « Monte-la, moué. »« Mais ne crains rien, je veux remercier. » Ribaud en ressent un soulagement. « Si c'est pour ça, nous sommes quittes. Je veux quand même. » Il écarte le fermier et entre. Son sillage empeste de telles senteurs animales que Ribaud détourne le nez. Arrivé au banc, il s'assoit. Alors, chacun peut voir que sous sa houppelande, il porte un sac de toile bise pendu en bandoulière. « Cette chaudure me fait mal, » dit-il en jetant un mauvais regard aux bûches. « Mais monte-moi ta ch'tite fille, » ajoute-t-il aussitôt. Inquiète, la mère ne peut pas montrer l'enfant. « Laisse faire, » dit le fermier. Marie est montrée à l'homme. « Donne que je la mette sous mes genoux. » Ribaud regarde son homme. « Donne, » dit-il. Lorsqu'il l'a sur lui, le meneur parle à l'enfant sans la moindre méchanceté. « Ch'tite, coûte, je vais te faire un don. » Il continue à voix basse, si bien que personne ne comprend ce qu'il dit. Il a des mots gutturaux, suivis de gestes mystérieux. Marie le regarde, sérieuse, la bouche ouverte. En parlant, l'homme défait son sac et apparaît la tête d'un louveteau de 2 ou 3 mois. De surprise, croyant à un jeu, Marie se frappe les mains, si bien que le louveteau prend peur et refuse de quitter le sac, où il est en sécurité. « L'a point mangé de viande, votre fille ?» demande le meneur à la cantonade. « Non, » répondent-ils tous en même temps, le souffle court. Il marque d'un silence le silence, et, prenant la petite main de l'enfant, la met dans la gueule du louveteau. La mère étouffe un cri et s'avance pour reprendre sa fille. Ribaud l'arrête du regard. Maintenant, le meneur parle avec gravité. « T'as le don, Marie. Tu comprendras les loups. Tes mains pourront barrer et guérir les mordures faites par eux. Tu mâcheras du pain pour faire la bouillie qui guérira. Tu la poseras sous le mal. Ça sera une sorte de médicament. Seulement, souviens-toi, tu perdras le don à ma mort. » Cela dit, il rend l'enfant à sa mère, se lève et sort, sans regarder quiconque. Dociles et repus, ces bêtes l'attendent, immobiles dans la cour. « Tru !» fait-il. Il s'enfonce dans la nuit qui vient durcir le froid. Quelqu'un de très important, puisque on sait qu'il a un pouvoir. Le paysan n'arrive pas à expliquer ce pouvoir, mais c'est quelqu'un qui a un pouvoir, donc on le craint un petit peu. Et on ne va jamais à l'encontre de ses désirs. Il dit je vais te faire accompagner par mes loups, par mes compagnons. Le personnage en question n'intervient pas, se laisse faire, il est suivi jusqu'à sa demeure par ses compagnons. Certains scientifiques, comme on peut dire, ont expliqué ce phénomène en disant que c'est un phénomène d'attraction animale. Le loup peut être apprivoisé temporairement par l'homme, et finalement, ce qui expliquerait ce pouvoir du meneux. Il fait partie de ces marginaux des bois qui sont respectés finalement. Le visage de Marie Ribaud s'éclaire, Dieu souffre, qui, loin à la ronde, n'ont pas leurs semblables et font penser à ceux des bêtes sauvages. À chaque aspiration, son nez pince les odeurs errantes et toujours trouve leur source. La sève de ses 18 années a une senteur de friche. Sa bouche, aux lèvres charnues, s'ouvre sur le blanc humide de ses dents. Étrange de rouge sa peau que le soleil, le vent et la vie ont colorée de leur étreinte. Palpite son cou, d'où certains jours, par cette fièvre étrange qui creuse légèrement ses joues et fait ressortir la volonté du menton. À ces moments-là, elle devient secrète. Elle disparaît de longues heures, va on ne sait où, mais revient comme satisfaite, sereine, d'une sérénité qui arrive à épanouir les siens. C'est une enquête à laquelle je me livre depuis une trentaine d'années, qui a comme terrain les Alpes dauphinoises et les Alpes savoyardes essentiellement, et qui porte sur tout ce monde fantastique que constituent les croyances et les légendes relatives aux fées, aux lutins, aux diables, aux géants, aux revenants, aux animaux fantastiques et bien entendu aux loups-garous. J'ai fait appel à deux types de sources, à deux types d'enquêtes dans cette recherche. D'une part, l'enquête ethnographique sur le terrain auprès des derniers témoins, auprès des derniers informateurs qui, par tradition orale, ont appris de leurs ancêtres tout ce qui se racontait sur ce monde fantastique, d'une part, et d'autre part, à tout ce qui pouvait donner une dimension historique à cette recherche, c'est-à-dire les procès de sorcellerie, par exemple, ou tout autre document daté, écrit, bien entendu, qu'on peut retrouver dans tel ou tel type d'archives. Il faut distinguer, lorsqu'on parle des Alpes et lorsqu'on parle de la croyance au loup-garou, deux régions, deux ensembles de régions plus exactement, qui se situent l'une dans le bas Dauphiné, c'est la région appelée le Viennois, donc proche de Vienne, et les terres froides, et qui est un pays de bocages, de plaines, de plateaux boisés, et l'autre qui se situe dans la région montagneuse de la Savoie et du Dauphiné. Ce qui apparaît à l'esprit tout de suite, c'est la différence essentielle de la croyance dans ces deux régions, dans ces deux types de régions. Alors en Bas-Dauphiné, ce sont les loups véritables qui sont le support de la croyance, qui jouent un très grand rôle dans ce sens. Et ce sont les documents historiques qui, sans solution de continuité depuis la fin du XVIe siècle, nous apprennent qu'il y a... du moins chez les gens du peuple, chez le vulgaire, comme disent les documents, une assimilation presque constante entre les loups et les loups-garous. Il faut dire qu'à cette époque, les ravages commis par les loups dans cette région sont énormes et donnent lieu à une véritable psychose collective, extrêmement intéressante et qui n'est pas sans rappeler la fameuse histoire de la bête du Gévaudan, qui commence, elle, en 1673, je crois. Ces carnassiers s'attaquent principalement aux enfants et aux jeunes bergers. Et au milieu du XVIIIe siècle, dans le Viennois, la psychose du loup devient véritablement gigantesque, puisqu'on organise une battue qui rassemble environ 2000 personnes. C'est énorme, 2000 personnes venant de 26 paroisses différentes. Alors les autorités s'en mêlent, c'est une battue absolument gigantesque qui a pour but de supprimer les loups qui hantent les bois proches de ces paroisses. Les documents du temps parlent de loups, bien entendu, mais de loups décrits assez curieusement. On se les représente, toujours par référence à ce que dit le vulgaire, n'est-ce pas, comme des tigres. C'est assez curieux comme dénomination à cette époque-là. Également comme des ours, et nous verrons plus loin que l'ours est précisément une des formes que revêtent les loups-garous, ou comme de très grands loups, des fauves carnassiers qui ont des apparences tout de même assez éloignées de la réalité et qui s'attaquent aux enfants, aux bergères, principalement. Ces gens qui participent à la battue ont peur, et c'est une des raisons sans doute de l'insuccès de cette battue, qui en fait a pour résultat de chasser quelques loups du bois, mais c'est à peu près tout. Par contre, les registres paroissiaux sont là pour témoigner de la réalité de la chose. Il y a effectivement une trentaine de cas en quelques mois d'enfants, de bergers, dévorés, déchiquetés, emportés par les loups. L'incertitude plane absolument sur la nature exacte de ces bêtes. L'un des documents précise même le terme dialectal des loups-garous, qui est loup-berou. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais les documents modernes confirment cette appellation dialectale dans cette région. Il s'agit donc de loup-berou. Aucun doute n'est possible. Il est fait là une allusion directe à la croyance à la lycanthropie. Les administratifs, eux, dénonce la croyance et la trouve ridicule. C'est l'éternelle histoire du monde savant d'un côté, enfin savant, urbain, administratif, lettré, et de l'autre côté, les gens du peuple, enfin les gens des classes pauvres et moyennes, qui, eux, je crois, sont profondément influencés par ce concept de lycanthropie. La croyance à la lycanthropie remonte à la plus haute antiquité. Elle n'est pas dans notre monde occidental d'origine populaire, mais savante, érudite, et notre opinion inédite jusqu'à ce jour est qu'elle fut imposée aux masses populaires par les juges et des monologues nourris de textes anciens. Parfois, elle fait partie de la géographie imposée aux fidèles par les moines. Ceux-ci, au XVIe siècle, habillèrent en loup un certain nombre de criminels sadiques. C'est donc l'image de la bête qui fut imposée au peuple. C'est elle seule qui est restée dans nos campagnes. L'un des documents les plus intéressants que j'ai trouvé, provenant d'une de ces paroisses du Viennois, parle des loups-garous. C'est le curé qui, à propos des décès arrivés à la suite des ravages commis par les loups dans cette région, parle de cette croyance au loup-garou. Et alors il dit ceci, phrase assez difficile à comprendre de prime abord: le peuple, le vulgaire, croit qu'il s'agit de loup-garou auquel le curé donne permission pour fournir aux verreries. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Bon, d'une part, les loups-garous sont en quelque sorte à la solde du curé. En tout cas, c'est le curé qui les commande. Ça, c'est assez curieux, et c'est le curé lui-même qui l'écrit. C'est assez extraordinaire. D'autre part, que pouvait bien signifier cette petite phrase « pour fournir aux verreries » Eh bien, la découverte d'un document du XIXe siècle dans une monographie locale et la découverte de renseignements, de données apportées par l'enquête orale m'ont permis d'éclairer cette petite phrase. Ça veut dire ceci. Selon la croyance populaire à cette époque, de la graisse humaine entrait dans la composition du verre. Il faut savoir que dans cette région du Bas-Dauphiné, dans la région des bois de Chambaran et des bois de Bonnevaux, sous l'Ancien Régime, existaient plusieurs verreries. Il faut savoir également que, comme partout ailleurs, ces verreries étaient tenues par des nobles. Et c'est là où apparaît pour la première fois un des traits caractéristiques, je crois, de la mentalité populaire bas-dauphinoise, qui est une tendance à l'anticléricalisme d'une part et à l'antiféodalisme de l'autre, ainsi qu'une collusion entre les seigneurs et le clergé. Ceci dans la conception populaire, bien entendu. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que les données recueillies par enquête orale dans ces milieux, donc que j'ai faites moi-même ces dernières années, confirment les croyances dont je viens de parler. Ainsi, à Septem, on m'a raconté cette histoire tout à fait extraordinaire de loups-garous qui sont envoyés par le Seigneur pour terroriser les pauvres gens. Et là encore, on retrouve cette attitude antiféodal, et vous allez voir, anticlérical, qui me paraît caractéristique des mentalités du Bas-Dauphiné. Alors, ces loups-garous apparaissent comme des sortes d'êtres criminels. Il ne s'agit pas à proprement parler d'animaux mythiques ou d'animaux fantastiques, mais plutôt d'êtres d'hommes, peut-être, comme vous et moi, enfin, c'est pas toujours décrit dans les documents ni dans les données ethnographiques, qui sont à la solde du Seigneur et qui viennent observer les pauvres gens, les surveiller, les espionner même, pour voir s'ils ne mangent pas trop, pour voir s'ils ne vivent pas trop bien. Et quand on sait ce que représentait la vie en Bas-Dauphiné à cette époque-là, il s'agissait surtout de laboureurs qui n'avaient pas la propriété du sol, la propriété du sol étant celle des seigneurs, ou du clergé parfois. Et là, je crois qu'il y a une indication extrêmement intéressante concernant la réalité, enfin l'origine de cette attitude antiféodale et anticléricale qu'on retrouvera par la suite dans certains faits historiques. Alors pour en finir avec cette histoire, le seul moyen, et là c'est un trait qu'on retrouve dans le folklore français ou international, pour tuer les loups-garous, était de faire bénir une balle par le curé et de tuer le loup avec cette balle bénite. Mais pas de chance, dès lors qu'on s'adressait au curé pour faire bénir cette balle, le curé vous dénonçait au Seigneur qui vous faisait enfermer dans ses oubliettes. Voilà ce que dit mon témoin de 89 ans en 1959-1960 d'un hameau perdu de cette région du Viennois. Il s'agissait effectivement d'une collusion entre clergé et seigneur, dans l'esprit des gens, dans l'esprit de la population, peut-être dans les faits également. C'est ce qui serait à vérifier à travers les documents de l'histoire, mais qui me semble tout à fait caractéristique d'une attitude antiféodale et anticléricale qu'on retrouve dans d'autres thèmes du folklore, dans le thème du lutin domestique par exemple. Lutin domestique qui est à la solde du seigneur, qui surveille sa propriété, qui habite le château, qui empêche les gens de pénétrer dans la propriété, de ramasser des feuilles mortes ou du bois mort, et qui leur donne des gifles s'ils les rencontrent, enfin, qui est vraiment à la solde du seigneur, qui est son espion, qui est son diable familier, mais tout à fait lancé contre les pauvres gens qui habitent autour. Quelquefois, selon les conventions du pacte, le diable entoure le sorcier d'une forme de bête faite avec un nuage, et il enlace si étroitement les formes du fantôme aux membres du sorcier, la tête à la tête, la gueule à la gueule, le ventre au ventre, les pieds aux pieds, les bras aux bras, qu'il arrive à créer une illusion complète. On obtient ce résultat soit par des onctions, soit par des formules magiques. Et le corps ainsi forgé recouvre si bien le corps matériel que, comme pour le loup-garou déchiqueté par des chiens, ce sont des traces de loup et non d'homme qu'ils impriment sur la terre. Ce dernier cas explique comment on retrouve ensuite leur corps humain, blessé à l'endroit précisément où la bête paraissait avoir été atteinte. Le nuage qui les entoure est très pénétrable et cède très facilement, de sorte que le coup donné atteint directement le corps. Pour le Haut-Dauphiné et les zones montagneuses de la Savoie, la conception du loup-garou est très différente. Il y apparaît davantage comme un animal mythique, comme un animal fantastique, et cette relation nature-culture que nous avons évoquée à propos des loups véritables et des loups-garous qui existent en Bas-Dauphiné y est pratiquement absente. Par contre, les rapports sont beaucoup plus fréquents avec la sorcellerie. Donc, voyez-vous, le loup-garou n'apparaît plus comme un criminel à la solde du Seigneur dans la région de montagne, mais plutôt comme un sorcier qui, effectivement, passe devant un tribunal et est condamné à être brûlé généralement. Les données du folklore apportent de l'eau à cette conception, à cette théorie, puisque très souvent, le loup-garou de la montagne est considéré comme un mendiant. Et les mendiants, comme vous le savez peut-être, sont aussi très souvent des sorciers. Il y a eu sous l'Ancien Régime des hordes de mendiants qui venaient mendier dans les campagnes. C'est quelque chose d'extrêmement important, la mendicité, dans les montagnes à cette époque-là. Et très souvent, ces mendiants sont accusés de sorcellerie. On les accuse d'abîmer le lait, par exemple, dans les alpages. Le lait, c'est une chose extrêmement précieuse pour les paysans, puisqu'ils vivent de ça. Ils en font du fromage. Et les mendiants qui passent, si on leur refuse l'aumône qu'ils demandent, bon, jette un sort sur l'alpage, jette un sort sur le bétail, jette un sort sur le lait, et sont accusés de sorcellerie, très souvent. Et parmi eux, donc, certains se distinguent par cette aptitude à être loup-garou. On les accuse également de lycanthropie. Dès le XIIIe siècle, on trouve en Roussillon une conjuration contre le loup-garou à laquelle il faut ajouter la récitation de trois Paternoster, trois Ave Maria et celle de l'Évangile selon saint Jean pour en parachever l'effet salutaire. Je conjure contre l'Obas. Notre Seigneur et saint Pierre s'en allaient par les chemins et rencontrèrent le loup Lobas. Et où vas-tu, loup Lobas ? Dit notre Seigneur. Je vais à la maison d'Apolline manger la chair et boire le sang d'Apolline. Ne le fais pas, loup Lobas, dit notre Seigneur. Va-t'en par les pâtures, manger les petites herbes. Va-t'en par les montagnes, manger les herbes sauvages. Va-t'en au milieu de la mer. Ici, il n'y a rien que tu puisses enchanter. Le loup-brou, alors ça c'est encore autre chose, d'abord c'est un terme propre au Berry. Le loup-brou, c'est un personnage qui est transformé en loup. Alors là on commence déjà à toucher le problème du loup-garou, la transformation de l'homme en loup, donc le problème de la lycanthropie. Mais en Berry on différencie loup-brou et loup-garou. Le loup-brou, c'est quelqu'un qui donc a été transformé en loup par un sorcier. Il est condamné à une peine, pourrait-on dire, et sa peine, c'est de parcourir la campagne sous la forme d'un loup. Il doit parcourir, alors selon les endroits, selon les régions, selon les villages, la tradition orale aussi est différente, il doit parcourir la campagne pendant 7 années, soit 7 jours, et il doit passer successivement, chaque nuit, sur 7 communes différentes. Alors là, on a encore le chiffre magique, 7. Et il ne pourra redevenir homme, finalement, lorsqu'il aura été blessé. Seule une balle bénite peut délivrer le loup-brou de son état. Alors là, on rejoint bien sûr le phénomène du loup-garou. Et en Berry, on raconte encore des histoires de loup-brou, notamment dans la région de Valençay, vers Vic-sur-Naon. Un érudit local du siècle passé avait recueilli des histoires de loup-brou. Et il nous raconte l'histoire d'une lavandière qui part le matin faire sa lessive à la mare du village. Et tout à coup, elle voit une bête énorme qui lui saute dessus. Elle la frappe de son battoir et l'animal s'en va. Elle avait bien reconnu le loup-brou et elle continue donc son chemin. Elle va faire sa lessive à la mare. Et quelques temps plus tard, elle voit arriver près de cette mare une autre femme qui elle aussi vient faire sa lessive et qui a le nez tout en compote, dit l'auteur. Et la lavandière en question dit « Mais qu'est-ce que tu as donc, ma pauvre Marguerite ?» Et là, la femme qui arrive me dit « tu sais bien ce que tu viens de me faire tout à l'heure, j'ai reçu un coup de batouet, c'est-à-dire le battoir de la lavandière. » Alors là, cette femme avait été blessée par la lavandière et de loup-brou, elle était redevenue femme. Donc la blessure implique la transformation à l'état, on redevient humain. Il y a une autre histoire tout à fait sinistre qui s'est passée en Brenne, dans les années 1815, dit la tradition populaire. Dans cette région, vers 1815, dont on cite une ferme précise, les chiens hurlaient à la mort toutes les nuits. Et la mère d'un métayer dit, si les chiens hurlent de cette façon, c'est certainement qu'il y a un loup-brou dans le coin. Alors le fils, qui revenait des armées napoléoniennes, avait encore son arme, et il se dit, je vais partir à la chasse au loup-brou. Alors il se poste plusieurs nuits, il attend. Et finalement, un jour, dans un carroir, toujours ce carroir qui est un lieu magique finalement, dans un carroir, il voit le loup-brou qui arrive et il fait feu sur l'animal, il entend un cri déchirant. L'animal se sauve bien sûr immédiatement. Et quelques temps plus tard, il se promène vers de nouveau dans ce lieu et il découvre dans le fourré, dans la bouchure comme on dit, une jambe de femme qui avait été en partie dévorée par les chiens. Et finalement, il a pensé, comme on le pensait à cette époque, que c'était le loup-brou qui avait été tué, qui venait de tuer et qui avait été dévoré par les chiens. Ce loup-brou était redevenu humain et les chiens l'avaient dévoré. Donc c'est ce processus de transformation d'animal en homme. En Berry, on insiste surtout sur ce fait. On a le loup-brou, on ne sait pas comment finalement on est devenu loup-brou, on dit parce qu'on est puni par un sorcier, mais on insiste surtout sur le fait que le loup-brou redevient homme lorsqu'il est blessé. Alors s'il est blessé à mort, bien sûr, c'en est fini de sa vie d'errance. En Berry, c'est la seule manière de redevenir homme. Mais si on étudiait la tradition orale des autres régions françaises, il y a certainement d'innombrables façons de redevenir homme. Mais on insiste surtout sur le fait de passer de l'état d'homme à l'état de garou. C'est le phénomène de la lycanthropie, comment devenir loup-garou. Parce que en France, finalement, dans la tradition orale des pays de France, le loup-garou est bien différent de ce qu'on vient de voir en Berry. Le loup-garou, c'est un personnage mythique, fantastique, dont on a dit et sur lequel on a écrit d'innombrables ouvrages, d'innombrables traités. Pour devenir loup-garou, il faut certainement passer un pacte avec le diable ou avec le sorcier. souvent au cours de messes noires ou de messes, comme on dit, à l'envers. Et au cours de cette cérémonie, on devient garou. Le diable a plusieurs façons d'opérer sur son servant, qui est le sorcier, ou la sorcière, très souvent. Le plus souvent, d'ailleurs, ce sont des sorcières. En lui troublant l'esprit par des onguents à base de plantes, mais aussi de sang de chauve-souris et d'entrailles humaines. Non pas, dit Jean de Nino, parce qu'elles aient un pouvoir effectif, mais simplement parce que par des crimes, le sorcier ou la sorcière s'abaisse à un tel niveau qu'il ne craindra plus aucun méfait. Donc par ces onguents, le sorcier peut tomber dans un état de catalepsie et croire à son réveil avoir fait certaines choses ou avoir été transformé en telle bête. Un deuxième pouvoir du diable est celui qui s'opère vis-à-vis des témoins. C'est-à-dire que dans ce cas, il trouble le sens de la vue des témoins et il fait voir un loup là où il n'y a qu'un homme. Un autre moyen du diable, qui était d'ailleurs celui qu'on retenait comme le plus possible, était de couvrir, d'entourer la personne du sorcier ou de la sorcière d'un nuage d'air épaissi, dit Jean de Nino, en forme de loup. Ce qui expliquerait pourquoi, quand on blesse un loup, on retrouve le lendemain cette blessure sur le corps de la personne. Il y a eu en effet d'innombrables théories sur la lycanthropie et la folie louvière, comme on disait au XVIe siècle, puisque à cette époque, on sait, à partir de cette époque, d'innombrables procès de loups-garous ont eu lieu en France, notamment dans l'est de la France. Alors on jugeait les garous, qui étaient des personnages tout à fait exclus de la société, et qui avaient commis des crimes. Je peux peut-être lire un extrait d'un arrêt du Parlement de la Cour de Dole de 1573. C'est un petit texte qui nous déclare que Gilles Garnier avait pris une jeune fille de l'âge d'environ 10 ou 12 ans, l'avait tuée et occise, tant avec ses mains, semblant pâte, qu'avec ses dents. Et après l'avoir traînée, l'avoir dépouillée et mangée partout de la chair des cuisses et bras d'icelle, et non content de ce, en avoir porté à Apolline sa femme en l'ermitage de Saint-Benoît près Amange. Avoir pris un autre enfant mâle de l'âge d'environ 10 ans, et après l'avoir étranglé et oxy, mangé de la chair des cuisses, jambes et ventre du dit enfant. Donc voilà quelques actions de ces loups-garous. Ils dévoraient leurs victimes. Alors peut-être, là on pourrait certainement toucher le problème de l'anthropophagie ici, mais ça nous mènerait certainement beaucoup trop loin. Donc quelques faits nous montrent que le garou est certainement un criminel qui dévore ses victimes. Voilà ce que nous racontent les textes, et d'innombrables traités de démonologie nous montrent des théories tout à fait surprenantes, tout à fait différentes. D'abord, Bodin écrivit un traité de la démonomanie. Bodin était juge et il se vantait d'avoir fait tuer de nombreux loups-garous. Le traité ne concerne pas uniquement les loups-garous, mais évidemment, il est très souvent question de loups-garous. Et Bodin soutient tout à fait la vraisemblance des histoires des loups-garous. Et il le soutient en se basant sur des discussions très subtiles. D'ailleurs, toute l'époque est dominée de discussions autour de la puissance du diable, puisque être loup-garou est de toute façon étroitement lié à une puissance démoniaque. Et donc la discussion entre les savants, entre Bodin par exemple, et plus tard Jean de Nino qui lui répond dans un autre livre de la lycanthropie en soutenant les thèses contraires, toute cette discussion tourne autour du pouvoir effectif du diable. Est-ce qu'il peut changer la nature des choses? Est-ce qu'il peut créer la vie? Et Baudin affirme que cela est tout à fait possible. Il s'appuie sur le récit de la Bible qui concerne Moïse à la cour du Pharaon, qui change son bâton en serpent, et les magiciens du Pharaon en font autant. Donc on voit bien que le malin qui préside à la puissance des magiciens du Pharaon est capable aussi de changer la nature des choses. À cela, les adversaires répondaient que les animaux étaient de différentes espèces, comme on pensait à l'époque, et que de toute façon, des animaux comme les serpents, les insectes, les mouches ou les crapauds naissaient de la pourriture et de la corruption. Et donc, ce n'était pas du tout étonnant que des magiciens soumis au pouvoir du diable aient pu changer quelque chose en serpent, un crapaud, etc. Il est bien évident que par rapport à l'Antiquité, la métamorphose est vécue de façon négative, puisque à partir du XVIe, on ne voit que l'aspect d'horreur, le loup-garou, naît essentiellement quelqu'un qui dévore ses victimes, qui fait du mal. Hein. C'est quelqu'un qui est puni, qui est transformé en loup, mais il n'a aucun aspect bénéfique, finalement. Je ne crois pas qu'il y ait des différences très très marquantes entre le folklore français et italien à propos des loups-garous. Par contre, il y a des différences assez remarquables avec des mythologies du Nord, allemande ou russe ou lituanienne, où le loup-garou n'est pas forcément quelqu'un qui fait du mal. Au contraire, il a souvent un rôle positif, bénéfique. Et cela apparaît par exemple dans l'histoire d'un certain Thiès, un lituanien de 86 ans, je crois, qui a été pris et accusé d'être loup-garou. Cela se passe, je crois, au début du XVIIe siècle. Thiès ne récuse absolument pas cette accusation. Au contraire, il affirme être loup-garou. Et il dit que, avec d'autres hommes, trois fois par an, à des nuits bien précises, la nuit de la Sainte Lucie, la nuit de la Pentecôte et la nuit de Noël, il se transforme en loup. Il traverse... il y a une variante. Il ne traverse pas un fleuve, mais ils arrivent au bout de la mer, c'est-à-dire à l'enfer. Ils descendent à l'enfer pour récupérer les biens que les sorciers ont volés aux paysans. Donc, il affirme son rôle positif d'adversaire des sorciers, d'adversaire du diable. Il appelle ses amis et lui-même les chiens de Dieu. Et il dit que quand un loup-garou meurt, il monte au ciel. Dehors, il n'y a plus ni terre, ni ciel, ni village, ni montagne. Il n'y a plus que les hamacs roulants de cette épaisse poussière glacée d'un monde qui a dû éclater. La pièce même où l'âtre s'éteint n'est plus habitable. Il n'y a plus d'habitable, c'est-à-dire il n'y a plus d'endroit où l'on puisse imaginer un monde aux couleurs du pan, que le lit. Le roman de Genot, Un roi sans divertissement, est construit d'une manière très intéressante parce qu'il est un peu construit à la manière d'un mythe. Il fonctionne d'une manière voilée. Rien n'est vraiment expliqué. C'est au lecteur ou à l'auditeur de faire son propre travail sur le mythe. Claude Capler, écrivain. Il est composé en trois parties et ces trois parties se font écho. C'est clair mutuellement. La première partie concerne un certain Monsieur V, qui ne sera jamais nommé autrement. La deuxième partie, c'est une chasse au loup. Et la troisième partie, c'est la retombée dans le quotidien. À midi, tout est couvert, tout est effacé. Il n'y a plus de monde, plus de bruit, plus rien. Des fumées lourdes coulent le long des toits et émantèlent les maisons. L'ombre des fenêtres, le papillonnement de la neige qui tombe, l'éclaircit et la rend d'un rose sang frais dans lequel on voit battre le métronome d'une main qui essuie le givre de la vitre. Puis apparaît dans le carreau un visage émacié et cruel qui regarde. Tous ces visages, qu'ils soient d'hommes, de femmes, même d'enfants, ont des barbes postiches faites de l'obscurité des pièces desquelles ils émergent, des barbes de raffia noir qui mangent leur bouche. Ils ont tous l'air de prêtres d'une sorte de serpent à plumes. Même le curé catholique, malgré l'aura pro nobis gravée sur le linteau de la fenêtre. 1 heure, 2 heures, 3 heures. La neige continue à tomber. 4 heures. La nuit. On allume les âtres. Il neige. Ce n'est pas une histoire de loup-garou. Et Genot le dit. Il ne prononce pas le nom de loup-garou. Il dit « Je ne vais pas vous raconter ici l'histoire d'un homme qui boit ou mange le sang. C'est une histoire bien trop banale. Je ne m'amuserai pas à vous raconter des banalités de ce genre-là. » En réalité, quand on a lu tout le roman, on a compris qu'il s'agissait quand même, au centre du roman, du loup et du thème de la mixité, en somme, de l'être humain. Mi-loup, mi-humain, ou peut-être plus loup qu'humain. La question ne peut pas être tranchée. Donc ce monsieur V est un être étrange qu'on nous décrit d'abord comme quelqu'un de très poilu. Il n'y a pas de description physique de Monsieur V, sauf justement qu'il a une grande force physique, une barbe drue, noire, et qu'à travers cette barbe, on aperçoit le menton. Mais malgré tout, dès le début, il y a une évocation de loup-garou. Le thème est présent. Il est présent en arrière-plan, tout le roman de Genot est construit en finesse, et il n'est pas question justement de parler d'un loup-garou, mais enfin le thème est là. Alors l'atmosphère du roman, c'est l'atmosphère du petit village des Alpes de Haute-Provence où se déroule toute l'action, qui est une atmosphère de bout du monde et de fin du monde. L'histoire commence par un cochon tailladé qu'on découvre un jour derrière le tête-à-porc et tailladé au-dessus de la neige, une immense flaque de sang sur la neige. Et on aperçoit l'homme qui vient de faire ça. On lui tire dessus, l'homme est blessé. Et on aperçoit là encore ces traces de sang sur la neige. Genot note que c'était du sang en gouttes, très frais, pur sur la neige. Des belles taches de sang frais sur la neige. Il y a une insistance déjà, dès le début, sur ce contraste du rouge, du sang, le sang vif, chaud, sur le blanc, froid de la neige. Et dès le début, on pense à Chrétien de Troyes, à Perceval, qui, à un moment, se trouve plongé dans un état proche de l'hypnose, devant 3 gouttes de sang sur la neige. Ce sont des gouttes de sang du doigt sauvage. Et son ami vient auprès de lui et lui demande ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il est plongé dans cette contemplation. Et il répond que ces gouttes de sang évoquent la fraîcheur des joues de la jeune fille qu'il vient de rencontrer. Il est difficile d'épiloguer sur ce moment de contemplation de Perceval. Paul Tsumtor en parle dans sa poétique médiévale et il dit en somme que ce sang sur la neige joue le rôle d'un emblème. Alors, il y a une allusion dans le récit de Genot à Perceval, d'ailleurs. Le sang sur la neige, très propre, rouge et blanc, c'était très beau. L'aspect esthétique de la chose. Et ça va revenir, enfin, d'une manière obsessionnelle, ce désir du beau, ce désir de la couleur dans un monde qui a perdu toute couleur. Chaque soir, désormais, les murailles du ciel seront peintes avec ces enduits qui facilitent l'acceptation de la cruauté et délivrent les sacrificateurs de tout remords. L'Ouest, badigeonné de pourpre, saigne sur des rochers qui sont incontestablement bien plus beaux, sanglants, que ce qu'ils étaient d'ordinaire, roses, satinés, ou d'un bel azur commun, dont les peignaient les soirs d'été, à l'heure où Vénus était douce comme un grain d'orge. Un blême vert, un violet, des taches de soufre, et parfois même une poignée de plâtre, là où la lumière est la plus intense. Cependant que sur les trois autres murailles s'entassent les blocs compacts d'une nuit, non plus lisses et luisantes, mais louches et agglomérées en d'inquiétantes constructions. Tels sont les sujets de méditation proposés par les fresques du monastère des montagnes. Les arbres font bruire inlassablement dans l'ombre de petites crécelles de bois sec. Premier hiver où il y aura un meurtre. Une jeune femme qui disparaît, qui se fond dans la nature. Puis printemps, été, automne. Et à cet automne, de nombreuses notations sur les couleurs de la terre, tous les rouges. Et un passage absolument étonnant, une description d'un col, je crois que c'est le col de Luce-la-Croix-Haute, où il décrit les forêts comme une espèce de chair végétale. Et autour de cette chair, les montagnes qui se referment comme des dents sur la chair. Le thème de sacrificateur apparaît maintenant. Et je crois que c'est la seule occasion à laquelle le terme de sacrificateur sera prononcé. Mais dans le fond, il me semble que tout le livre est axé sur ce thème du sacrifice. Sacrifice sanglant, dont le sens réside dans autre chose que le meurtre, bien sûr. Et enfin, une description à cet automne du hêtre. À l'automne, avec ses longs poils cramoisis, ses 1000 bras entrelacés de serpents verts, ses 100 000 mains de feuillage d'or jouant avec des pompons de plumes, des lanières d'oiseaux, des poussières de cristal, il n'était vraiment pas un arbre. Les forêts, assises sur les gradins des montagnes, finissaient par le regarder en silence. Il crépitait comme un brasier. Il dansait comme seuls savent danser les êtres surnaturels, en multipliant son corps autour de son immobilité. Il ondulait autour de lui-même dans un entortillement d'écharpe, si frémissant, si mordoré, si inlassablement repétri par l'ivresse de son corps, qu'on ne pouvait plus savoir s'il était enraciné par l'encramponnement de prodigieuses racines ou par la vitesse miraculeuse de la pointe de toupie sur laquelle reposent les dieux. Les forêts, assises sur les gradins de l'amphithéâtre des montagnes, dans leur grande toilette sacerdotale, n'osaient plus bouger. Cette virtuosité de beauté hypnotisait comme l'œil des serpents ou le sang des oies sauvages sur la neige. Et tout le long des routes qui montaient ou descendaient vers elles, s'alignait la procession des érables, ensanglantés comme des bouchers. Le hêtre est décrit comme un être, justement, un être humain. Il est grand, il est puissant, il est immense. Et c'est un véritable monde, c'est un foisonnement de vie. Il y a des oiseaux par milliers dans ce être. C'est quelque chose qui est comme une espèce de fourmillement de vie en constante ébullition. Et en même temps, à l'automne, bien sûr, ça devient quelque chose de prodigieux. Cette virtuosité de beauté hypnotisée, comme l'œil des serpents. Cet arbre, c'est un prodige de vie. Et Giono parle même des poils de l'arbre. Et mieux que cela, des longs poils cramoisis. Le récit de Giono est extraordinairement baroque, presque chargé à certains endroits. Mais je crois que dans sa description du être, il y a vraiment quelque chose de très profond, de vraiment mythique. Ce être, c'est comme une sorte d'axe du monde. C'est ce qui unit la terre au ciel et les humains aux dieux. et Berg disparut. On ne s'en aperçut pas tout de suite. Il était célibataire et personne ne put dire à quel moment exactement il avait manqué au monde. Il braconnait, il chassait les choses les plus invraisemblables. Il aimait la nature. Il restait parfois absent une semaine. Mais en hiver 44, on s'inquiéta au bout de 4 ou 5 jours. Chez lui, tout était placé de façon à faire craindre le pire. Sa porte d'abord n'était pas fermée. Ses raquettes et son fusil étaient là. Sa veste, doublée de peau de mouton, était pendue à son clou. Plus triste encore, son assiette, contenant les restes figés d'un civet de lapin, où l'on voyait les traces qu'avait faites un morceau de pain en ramassant la sauce, était sur la table, à côté d'un verre à moitié plein de vin. Il devait être en train de manger. Quelque chose, quelqu'un avait dû l'appeler dehors. Il était sorti tout de suite, sans peut-être finir d'avaler sa bouchée. Son chapeau était sur le lit. Cette fois, ce fut une terreur de troupeau de moutons. En plein jour, bas, sombre, bleu, neige, nuages coupant la flèche du clocher, on entendit les femmes pleurer, les enfants crier, les portes battre. Et il fallut la croix et la bannière pour se mettre à décider quelque chose. Tout le monde parlait des gendarmes. Personne ne voulait aller les chercher. Il fallait faire 3 lieues dans la solitude, sous le ciel noir, et du moment qu'il s'agissait de Berg, un homme fait, costaud, courageux, le plus malin de tous, personne ne se sentait assez costaud, assez courageux et assez malin désormais. Langlois est un étranger, il arrive comme capitaine de gendarmerie. Et c'est lui qui est chargé d'enquêter sur ces disparitions, sur les meurtres. Et il va s'installer dans le village, il va vivre avec les villageois. Il s'installe à l'auberge du village. Et la tenancière de l'auberge est un personnage assez pittoresque qu'on appelle Saucisse. Et qui va être très important dans tout ce roman. Et on en entendra parler, enfin, un peu plus tard encore. Donc il mène ses recherches, il a bien du mal, il essaye de protéger les villageois. Arrive le second hiver, d'autres meurtres, et arrive surtout un moment capital de l'année, celui de la messe de minuit. Ce moment de la messe de minuit est décrit chez Giono d'une manière à peu près aussi éblouissante que l'automne, avec sa féerie de couleurs, avec sa féerie d'or, de candélabres, de cierges dorés, de chasubles. Et Langlois dit tous ces blasons à propos de ces choses-là. Et ça me fait penser justement au côté emblématique du sang sur la neige qui avait été souligné par Tsum Tor. Tous ces blasons, dit-il, nous comprenions tous une partie du mystère, mais personne ne le comprenait en entier. Le mystère, c'est à la fois le mystère de la messe de minuit et de la nuit de Noël, de cette espèce de transmutation du monde. Et en même temps, le mystère qui les angoisse tous, puisque chacun est menacé d'être tué, le mystère donc de cette autre transformation, qui est peut-être la transformation rituelle de l'homme en loup. Ces pages sont des pages capitales, parce qu'on y parle à ce moment-là du monstre. Et c'est d'ailleurs le seul moment du roman où on va parler du monstre, où on va utiliser ce terme pour désigner celui qui tue. Et Langlois rassure tout le monde en disant, en particulier au curé, « Ne vous inquiétez pas, si jamais il est parmi nous ce soir, et je souhaite qu'il soit parmi nous, il a eu ce soir un divertissement suffisant. Il n'a pas besoin de chercher autre chose que ce qu'il a déjà eu. » Et il dit quelques instants plus tard à Saucisse, justement, « Ce n'est pas un monstre, c'est un homme comme les autres. » Et ça, c'est le thème de tout le roman. « Ce qu'il lui faudrait, veux-tu que je te le dise, c'est la messe de minuit, du 1er janvier à la Saint-Sylvestre, et sans interruption. » C'est-à-dire que là, on se trouve face au thème du monde gris, du quotidien. Le quotidien n'est pas supportable. On ne peut pas vivre ce quotidien quand on est un être d'élite. Il faut une rupture dans ce quotidien, il faut des moments d'extraordinaire, des moments qui vous projettent dans l'intensité, dans le divin. Et ces moments de rupture, Langlois a très bien compris, il a déjà pressenti le mystère de M. V et le mystère de tous ses crimes. Il a compris que M. V est un homme qui souffre, parce que ses crimes n'ont lieu que l'hiver, qui souffre du vide. et qu'il a besoin, en somme, d'un moment de d'intensité esthétique, ne serait-ce que cela, voir ce sort sur la neige, c'est ça. Je ne veux pas parler du goût. Je n'ai, comme bien vous pensez, jamais goûté le sang de personne. Et aussi bien, je dois vous dire que cette histoire n'est pas l'histoire d'un homme qui buvait, suçait ou mangeait le sang. Je n'aurais pas pris la peine à notre époque de vous parler d'un fait aussi banal. Je ne veux pas parler du goût qui doit être simplement salé. Je veux dire qu'il est facile d'imaginer, compte tenu des cheveux très noirs, de la peau très blanche, du poivre de Marie Chazotte, d'imaginer que son sang était très beau. Je dis beau. Parlons en peintre. Un jour, un certain Frédéric, Frédéric II, parce qu'il fait partie d'une dynastie de Frédéric, découvre par hasard, dans le hêtre, des clous. Et il va grimper sur ces clous, grimper dans le hêtre. Son ascension est décrite d'une manière absolument étonnante chez Giono, d'une manière qui donne vraiment froid dans le dos. À un moment, il dit, son corps et son esprit se préparèrent à la monstruosité. Parce qu'en effet, il y a un moment où il s'arrête. Et c'est juste au pas suivant qu'il va découvrir le corps de la dernière victime. Une jeune femme, Dorothée, qui vient d'être saignée. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Frédéric a vu partir une silhouette. La silhouette qui s'éloignait du hêtre. Et il se met immédiatement à la chasse. Il part sur ses traces. L'homme, dit Giono, était un promeneur. Promeneur habitué aux vastes espaces. On insiste énormément sur son pas de promeneur, tranquille. Comme s'il ne s'était rien passé d'extraordinaire. Tout est absolument normal pour lui. Il ne se retourne pas une seule fois. Il marche comme quelqu'un qui est habitué. Frédéric le suit. Il le suit, dit Giono, jusqu'aux lointains inimaginables, le vaste monde. Et voilà pour Frédéric l'irruption d'un nouveau monde, la rupture dans le quotidien. Il va découvrir la géographie d'un nouveau monde. Tout pour lui a une allure d'inconnu. Frédéric est heureux d'une nouvelle manière, extraordinaire. Ce nouveau monde était d'un vaste sans limite. Giono insiste constamment là-dessus. Et Frédéric éprouve, bien sûr, immédiatement, l'ivresse du traqueur. Frédéric II gardera de cette poursuite un souvenir renard. Quand il parlera du pays derrière l'Archa, il en parlera comme Colomb devait parler des Indes orientales. Je cite. Il arrive au village après avoir pris toutes les précautions du renard et du loup. Et au village, il est obligé de se retransformer en homme. Il est obligé de redevenir un être qui va pouvoir passer entre les maisons sans se faire remarquer. Il doit se dépouiller d'une peau de renard qui était presque une peau de loup, dit Giono. Et constamment, Frédéric, transformé en animal carnassier et rusé, contraste avec l'homme qui marche devant lui, qui est lui très humain, très gentil, tranquille. Il y a une très belle page sur le quotidien au beau visage. C'est une page très triste, au moment de l'entrée des deux hommes dans le village. Pourquoi est-ce que c'est triste? Il y a beaucoup de pages comme ça dans le roman de Giono. C'est triste à ce moment-là, peut-être parce qu'on sent que c'est fini. C'est fini pour Monsieur V. Ou le mystère, il va trouver sa résolution. C'est triste peut-être parce que on sait que Monsieur V, qui est coupable de cette monstruosité, n'est pas un monstre à ce moment-là. On l'a compris. On a compris que c'était un homme comme les autres. Et que tout d'un coup, le loup pouvait se trouver du côté des brebis. Le troupeau de brebis traqué délègue en somme un Frédéric qui se fait loup instantanément. Frédéric rentre au village, va prévenir Langlois. Langlois arrive avec ses hommes. Et il y aura une scène très étrange entre Langlois et ses hommes. L'Anglois ne veut à aucun prix d'une chasse. Il veut avoir une entrevue personnelle avec l'homme. Et en effet, c'est ce qu'il fait. Il entre chez lui et il donne rendez-vous à l'homme un peu plus loin, au bout du village. L'homme sort de la maison, tranquillement, toujours de son pas de promeneur. L'Anglois le suit à distance. Puis, un peu plus loin, l'homme se retourne. Il y a un face-à-face silencieux entre lui et l'Anglois, une sorte d'accord sans parole. Et l'Anglois sort ses deux pistolets et tire deux coups dans le ventre à Monsieur V, qui tombe tout de suite, foudroyé. À la suite de quoi, l'Anglois envoie sa démission. Il faut savoir comment on passe à la bête. Et Dieu sait que c'est difficile pour nous, globalement intellectuels, de comprendre comment on passe à la bête. Mauricio Catani, ethnologue. Nous avons derrière nous toute une tradition qui vient de très loin, qui vient du christianisme, qui peut-être vient même avant, où l'homme se dresse roi de la création, aboutissement de la création, peu importe, mais enfin, il y a toujours sous-jacente une sorte d'image pyramidale dont l'homme est le point le plus élevé. Et il nous apparaît extrêmement difficile d'entendre qu'aujourd'hui, et malgré donc la généralisation d'une conception de l'homme comme, je répète, bref, roi de la création, il est surprenant pour nous de trouver des gens qui se sentent encore participer pleinement aussi d'une nature animale. Cela est fréquent en Afrique, mais on est en train de parler de ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire dans une civilisation du logos, de la parole, et de la parole qui met au premier plan l'homme. Il y a, dans le livre de Carlo Levi, un exemple qui est extrêmement intéressant. Il dit d'abord, il y avait une fille qui se promenait dans le village, toujours suivie par une vache. Et tous les gens disaient, celle-là, c'est la maman vache. Et la fille aussi disait, celle-ci est ma maman vache. Les gens savaient fort bien que la fille avait une véritable mère, une mère humaine. Mais ça ne leur paraissait pas du tout quelque chose d'impensable. Au contraire, elle avait aussi une mère vache. Et puis, à propos de lycanthrope, Lévi dit, l'homme, il sort dans la nuit, il se transforme en loup, et quand il veut rentrer à la maison, il frappe trois fois. La première fois, sa femme ne doit pas lui ouvrir la porte parce qu'elle se trouverait devant un loup. La deuxième fois non plus, il ne faut pas ouvrir parce qu'on se trouverait devant un homme, mais qui encore hurle comme un loup, et c'est seulement la troisième fois qu'il faut ouvrir la porte pour que l'homme puisse rentrer. C'est extrêmement puissant, cette image, d'une part parce que on admet que l'homme soit loup, comme on admet qu'une vache soit en même temps la mère, non pas en concurrence avec la mère humaine, mais, comment dire, en co-occurrence, on est ensemble. Ce fameux lycanthrope, il peut faire des choses horribles, mais ce n'est pas pour cela qu'on le hait. Il est à la fois le mari, l'homme, le père de famille et le loup. Et si, bref, en tant qu'homme il est bon et en tant que loup il est mauvais, ce n'est jamais si tranché, mais enfin admettons, il n'y a rien à faire. Il est les deux choses et il faut respecter les étapes ou les moments de la métamorphose parce que l'ordre du monde est celui-ci. L'homme ne se distingue pas, au fond, fondamentalement, de la bête. Parce que, fondamentalement, il n'existe ni homme ni bête. Fondamentalement, il existe la vie et un cosmos. Et la vie fait partie du cosmos. En réalité, aucun moi, même le plus naïf, n'est une unité, mais un petit ciel constellé d'astres, de formes et d'états. C'est assez scandaleux, intellectuellement, pour nous d'admettre cela. Nous n'avons en général que fort peu d'informations, parce que, bien évidemment, en Europe, nous sommes face quand même à un système cosmologique qui, en quelque sorte, fait haut de toutes parts, puisque nous avons, depuis les Lumières, le plein triomphe du principe de causalité et de rationalité, et que aucun système ne peut rester pur, incontaminé. Et donc, il est extrêmement difficile d'avoir des informations complètes. Pourtant, à chaque instant, on retrouve des éléments qui ne peuvent s'entendre que comme une autre pensée, une pensée qui ne s'oppose pas à la nature, une pensée qui ne domine pas la nature, mais une pensée qui s'intègre dans la nature. Maintenant, je dis nature, tout à l'heure je dis cosmos. Cosmos, en effet, c'est plus large. Les étoiles en font partie. Les dieux, les diables, les esprits, les morts. Quand nous disons nature, cela signifie encore et uniquement Descartes et Buffon. Non, c'est le cosmos dans ses manifestations aussi naturelles. Et de temps en temps, ces choses-là nous reviennent au visage, mais nous ne trouvons plus la possibilité, ou moi alors je ne l'ai pas trouvé, d'avoir un exposé par quelqu'un qui sait. Parce que la pression idéologique de la rationalité empêche probablement l'émergence d'un discours continu, d'un discours articulé à propos de l'immersion dans le cosmos. Ou alors, si ce discours apparaît, en général, c'est un discours culte qui est filtré par une tentative. Quand on parle de sciences ésotériques, ce sont des hommes qui sont allés à l'université ou des profs d'université qui essayent de reconstruire une autre forme de pensée. Mais quand on va dans les campagnes, quand on va dans certains quartiers des villes, on ne trouve pas le verbe tel que nous l'utilisons, nous qui sommes moulés par l'université, on trouve un sentiment de coexistence de deux choses différentes qui ne s'excluent pas logiquement. Car c'est, paraît-il, pour eux, un besoin inné et obligatoire de se représenter leur moi comme une unité. J'ai soigneusement évité de dire qu'il s'agit là de survivance ou qu'il s'agit de résurgence. Ce n'est pas vrai. Ou c'est insuffisant de parler de survivance ou de résurgence. Synchroniquement, ce que certains ethnologues ou certains sociologues constatent, c'est que ça existe, c'est que ça fonctionne. C'est que ça forme système parce que de la naissance à la mort et d'avant la naissance à après la mort, dans la chaîne des générations, il y a encore beaucoup de personnes qui se pensent, qui se vivent intégrées dans le cosmos. Mais il est fort difficile d'obtenir un discours acceptable dans nos modèles rhétoriques dans nos formes de pensée, parce que ce discours doit se cacher à lui-même, ce discours du cosmos. Bon, je pense en ce moment au livre de Jeanne Favret-Saada, Les mots, la mort, l'essor. On peut ne pas être d'accord avec ses conclusions théoriques, mais ce qui est fondamental, c'est la démonstration que un discours autre existe, fonctionne, qu'il n'est pas fragmentaire, qu'il n'est pas survivant, qu'il n'est pas résurgent, il est là, au même titre que le discours parfaitement logique que nous sommes habitués à admettre comme logique, de la physique nucléaire, par exemple. Ils coexistent. Nous arrivons au fond de Chalamont. Les torches nous font voir par-dessus les derniers taillis, la muraille tellement à pic que la neige n'y tient dessus qu'en girandole. Nous ne faisons absolument pas de bruit. Rien ne fait de bruit sauf les torches. Un bruit d'ailes, une sorte de va-et-vient d'oiseaux au-dessus de nos têtes. Des colombes qui cherchent à se poser, on dirait. Les messagères d'une arche de Noé bien plus populeuse que la première et qui cherchent un ararat quelconque, avec tout un vol de pigeons ramiers. C'est le seul bruit du monde entier, ici. Les foulées, naturellement toujours d'une fraîcheur exquise et si claire que tout le monde les voit, ne dénotent aucune inquiétude. Elles sont franches et sans retour. Peut-être que le monsieur joue au plus fin. Tout le monde y joue, Dieu lui-même. Mais le monsieur y joue avec un sacré estomac. Qu'est-ce qu'il espère? Qu'une porte de sortie s'ouvrira dans le mur? À point nommé? Et dites donc, est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus instruit que nous? Est-ce que nous ne serions pas les dindons de la farce, nous autres, dans cette histoire avec nos corps et nos fanfreluches? Et nos pas pelus? Et pour nous, on peut le dire, notre angoisse? Est-ce que par hasard le monsieur n'attendrait pas tout simplement la mort que nous lui apportons sur un plateau? Ça comme porte, vous avouerez que ce serait même un portail, un arc de triomphe. Et ça expliquerait pourquoi, d'après les foulées que nous suivons, il est allé tout simplement se placer de lui-même au pied du mur, sans esquiver ni de droite ni de gauche. Que ça soit ce que ça voudra, nous avançons. Et brusquement nous dépassons les derniers taillis. Nous sommes devant cette aire nue qui va jusqu'au pied du mur. D'abord, nous ne voyons rien. L'Anglois, en trois pas rapides, s'est mis devant nous. De ses bras étendus en croix et qu'il agite lentement de haut en bas comme des ailes qu'il essaye, il nous fait signe. Stop. Et tranquille. Nous entendons craquer les pantalons des porteurs de torches qui traversent les taillis derrière nous. La lumière monte. Nous entendons crisser derrière nous dans les taillis les grosses ouatines de la capitaine et de Saucisse. Le voilà là-bas. Nous le voyons. Il est bien à l'endroit où je craignais qu'il soit. À l'endroit vers lequel, depuis ce matin, à grand renfort de fanfare, de télégraphe et de cérémonie, nous nous sommes efforcés de le pousser. Eh bien, il y est. Et si c'était un endroit qu'il ait choisi lui-même, il n'y serait pas plus tranquille. Il est couché dans cet abri que l'aplomb même du mur fait à sa base. Il nous regarde. Il cligne des yeux à cause des torches. Et tout ce qu'il fait, c'est de coucher deux ou trois fois ses longues oreilles. Sans l'Anglois, quel beau massacre! Au risque de nous fusiller les uns les autres, au risque même, au milieu de la confusion, des cris, des coups, des fumées, et nous nous serions certainement rués sur lui de toutes nos forces des couillonnades, au risque même de lui permettre le saut de carpe qu'il aurait fait retomber dans les vertes forêts. « Paix !» dit l'Anglois. Et il resta devant nous, bras étendus, comme s'il planait. « Oh, paix !» pendant que recommence à voltiger le va-et-vient des torches colombes. Langlois s'avance. Nous n'avons pas envie de le suivre. Langlois s'avance, pas à pas. Au milieu de cette paix qui nous a brusquement endormis, un fait nous éclaire sur l'importance de ce petit moment pendant lequel Langlois s'avance lentement, pas à pas. C'est la légèreté aéronautique avec laquelle le fameux procureur royal fait traverser nos rangs à son ventre. Nous voyons aussi que devant les pattes croisées du loup, il y a le chien de Curnier, couché, mort, et que la neige est pleine de sang. Il s'en est passé des choses pendant le silence. Langlois s'avance. Le loup se dresse sur ses pattes. Ils sont face à face, à 5 pas. Paix. Le loup regarde le sang du chien sur la neige. Il a l'air aussi endormi que nous. Langlois lui tira 2 coups de pistolet dans le ventre, des 2 mains. En même temps. Ainsi donc, tout ça pour en arriver encore une fois à ces 2 coups de pistolet tirés à la diable après un petit conciliabule muet entre l'expéditeur et l'encaisseur de mort subite. Le loup-garou par Roland Auguet. Avec Daniel Bernard, écrivain. Mauricio Catani, ethnologue. Francesca Isidori, professeur à la Dante Alighieri de Paris. Charles Joysten, conservateur au musée dauphinois, directeur de la revue Le Monde Alpin et Rodanien. Claude Kapler, écrivain. Livre. Un roi sans divertissement, Jean Giono, édition Gallimard. La Malvenue, Claude Seignol, édition Marabout. De la sorcellerie, des sorciers et de leurs juges, Jean Palou, édition Presse des Mollets. Loups-garous et vampires, Roland Villeneuve, édition J'ai lu. Le monstre, Claude Kapler, édition Presse universitaire de France. Lu par Frédéric Cantrel, André Almuro, Jacques Franz. La matinée des autres. Réalisation Anne-Marie Abou. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 février 1981. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.